La Maison de l'Astronomie, le monde de l'observation, vous présente les podcasts de Ciel et Espace. Retrouvez toutes nos références en astronomie, nature et globe terrestre sur maison-astronomie.com. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est le 10e astronaute français et sans doute aussi le plus populaire. Après 6 mois passés dans la Station Spatiale Internationale, qui nous a fait partager au quotidien grâce aux réseaux sociaux, Thomas Pesquet a retrouvé le plancher de ses vaches normandes le 4 juin dernier. Qu'est-ce que cette expérience exceptionnelle a changé en lui? Est-il toujours prêt à s'envoler pour Mars ou la Lune? Et aussi, comment se sent-il un mois après son retour sur notre pesante planète? Thomas Pesquet, 39 ans, astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, est notre invité. Thomas Pesquet, bonjour. Bonjour. Alors merci d'abord d'être au téléphone avec nous depuis le Centre des astronautes européens à Cologne. La première question que j'ai évidemment envie de vous poser au nom des lecteurs et des auditeurs de Ciel et Espace, qui vous ont suivi de si près pendant plusieurs années, elle est toute simple. Un mois après votre retour, comment ça va? Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Ça va très bien. Le retour sur Terre, il est un peu difficile, évidemment. Il ne faut pas minimiser ce fait-là. Donc les premières heures, il faut se réhabituer à la gravité, hein. Le corps s'est adapté à la vie en impesanteur, de manière inverse, exactement inverse. Il faut se réhabituer à vivre sur Terre. On n'est plus vraiment un terrien, donc ça demande un peu d'effort, la gravité, le fait que son corps tout d'un coup pèse son poids, le système d'équilibre est un peu changé, on est un peu faible musculairement, la circulation sanguine est un peu plus faible, donc des choses comme ça. Mais ça prend quelques heures au début, quelques jours ensuite pour se réhabituer. Et là, je suis revenu à 99% de ce que j'étais avant ma mission. 99% déjà de vos capacités physiques ont été retrouvées. Ça demande des efforts. Enfin, vous avez posté quelques photos sur les réseaux sociaux. On vous a fait des piqûres. Vous êtes passé dans des scanners un peu dans tous les sens. Comment ça s'est passé ce mois? C'est pas un peu difficile d'un point de vue médical? C'est difficile. Alors oui, il faut. En fait, heureusement, on fait beaucoup de sport dans la station, hein, parce que sinon, on rentrerait vraiment en très mauvais état pour le système musculaire, le squelette. Mais là, heureusement, grâce à ça, grâce à l'entraînement avant la mission, pendant la mission, on revient relativement en bon état. Moi, j'ai presque pas perdu de masse osseuse, par exemple. Ça dépend des endroits, mais on a fait, comme vous l'avez fait remarquer, beaucoup d'examens pour déterminer ça de manière un peu précise, regarder dans tous les endroits du corps, est-ce que les os sont encore en bon état, est-ce qu'ils sont aussi denses qu'avant, est-ce que les muscles sont toujours là. On se teste à la salle de sport, voir combien on arrive à lever de poids, et puis on compare. Donc non, moi je suis, encore une fois, quand je dis 99%, il manque encore quelques petites choses, au niveau cardiovasculaire par exemple. Je ne suis pas au niveau où j'étais avant la mission. Il faut Ça se traduit comment physiquement pour vous? Vous le ressentez au quotidien? Oui, je le ressens au quotidien. Alors au quotidien peut-être pas, mais je le ressens quand je vais courir. Ça, c'est sûr que je n'ai pas les mêmes performances qu'avant la mission, mais c'est normal. On n'a pas eu de gravité. Donc en plus, la course, ça combine tout. Ça combine le muscle, les muscles, le poids et une grande partie circulation sanguine. Donc il faut se remettre au boulot, en fait. Hein. Ça n'arrête jamais, en fait. Rapidement après l'atterrissage, on retourne à la salle de sport. Les gens ici ont un programme d'entraînement qui est fait pour ça, hein, pour remettre en forme les astronautes. Et puis, petit à petit, en travaillant, on revient à son niveau. Alors ça, c'est pour l'aspect physique. Il y a quand même l'aspect psychologique. On ne revient pas tout à fait identique d'un séjour de 6 mois dans l'espace. Psychologiquement, est-ce que vous êtes totalement réadapté? J'ai même envie de dire, est-ce que vous êtes redescendu de l'ISS? Je vous pose cette question parce que, en fait, immédiatement après votre retour, votre compagne avait déclaré sur je ne sais plus quelle antenne qu'elle vous avait trouvé changé dans le sens où vous aviez pris de la distance par rapport au quotidien. Elle avait cité ce terme d'overview effect. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Est-ce que vous changez? Oui, alors c'est vrai que psychologiquement, c'est une expérience d'une vie, hein, donc ça a des impacts, il ne faut pas le nier. L'overview effect, c'est ni plus ni moins qu'une prise de recul, en fait. C'est tout simple. Il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut comprendre avec son intellect. En fait, l'homme est fait pour ça, mais qu'on a du mal à ressentir. On n'arrive pas à vraiment intégrer les choses qui se passent au niveau global de la planète, les nombres à plus de 5 chiffres, à plus de 5 zéros. On n'est pas fait pour ça. On peut faire des calculs avec, on peut les comprendre intellectuellement, mais au prix d'un certain détachement, en fait. Moi, je ne sais pas la différence, par exemple, entre 1 million et 100 milliards. Enfin, je sais que c'est des très, très grands nombres, mais ça ne parle pas vraiment. Eh ben, y a des choses qui se passent au global de la planète, comme par exemple le réchauffement climatique, des choses comme ça. Eh ben, on les ressent pas. On peut les comprendre intellectuellement, mais on ne les ressent pas. D'aller dans l'ISS, en fait, c'est du recul. C'est lever le nez de la feuille. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Sur Terre, on a le nez sur la copie constamment, parce qu'on ne peut pas prendre de recul. Mais d'aller dans l'espace et de voir la Terre, la fragilité de la Terre, de voir les effets vraiment in situ, hein, de l'activité humaine, ça fait vraiment prendre conscience de la fragilité de la planète. Donc je pense que c'est beaucoup ça l'overview effect. Mais après, c'est vrai que c'est une expérience intéressante, parce que pendant 6 mois, l'ISS, c'est tout, c'est notre quotidien, on la connaît par cœur, l'équipage, c'est notre famille, on a des interactions extrêmement limitées, tout le reste, quelque part, est devenu un petit peu virtuel. Et puis tout d'un coup, paf, on retourne dans la vie normale. Et c'est l'inverse, c'est l'ISS qui est redevenu virtuel, qu'on voit. Moi, je vois mes collègues à la télévision, ça me fait bizarre, parce que j'étais avec eux il y a même pas un mois. Mm-hmm. Et tout le reste qui a disparu pendant 6 mois, ça redevient très très réel. Il faut réparer le frigo parce qu'il marche pas, et on a plein d'interactions avec plein de gens. Donc c'est vrai que ça demande un peu de travail pour se réhabituer, mais globalement, je pense que ça se passe bien. Et le plus important, c'est d'être encadré en fait par ses proches. Vous êtes donc redescendu, vous nous confirmez? Oui, je suis redescendu. Ouais. Alors déjà, je vous confirme que j'étais vraiment dans l'espace. Apparemment, il y a des gens qui en doutent sur Internet. Mais non, et je suis vraiment redescendu. Et quelque part, c'est étrange, parce que cette expérience, elle était tellement spéciale, en fait. Elle était tellement dans un endroit dans lequel on ne peut pas aller. Et tout avait changé, en fait. Ce qu'on mangeait était différent, les vêtements étaient différents. Tout était tellement différent que dès que je suis revenu sur Terre, que je me suis réhabitué à une vie normale, c'est devenu un peu virtuel. Et quelque part, je me disais, le matin, quand je me réveillais, je me disais, attends, est-ce que c'était pas vraiment un rêve? Ah non, j'étais vraiment dans l'ISS. Justement, à propos de rêve, c'est peut-être une question que vous avez déjà posée, mais est-ce qu'on rêve différemment dans la station spatiale, puisqu'on est en apesanteur? Et deuxième question, est-ce que depuis que vous êtes rentré, vous faites des rêves ou vous êtes dans l'ISS? Alors moi, je rêve peu, enfin je rêve autant que tout le monde, mais je ne me rappelle jamais de mes rêves. J'ai des nuits très, très très très noires, un peu on-off en fait. À peu près mort pendant 8 heures, donc mm-hmm. ça c'est bien pour récupérer très vite, mais c'est vrai que c'est pas très, il y a un peu moins de fantaisie dans les rêves. Dans l'ISS, je rêvais pas beaucoup non plus. Par contre, bizarrement, depuis que je suis revenu sur Terre, ouais, j'ai fait un ou deux rêves où je crois que je suis dans l'ISS, et puis ça m'est arrivé surtout au début, le matin, quand je me réveille, que je veux me lever de mon lit, et bah, sur l'ISS, on se déplace en action-réaction, en fait, on pousse un peu sur un mur, et ça va nous donner, ça nous permet de voler, de flotter comme ça dans la station. Donc c'est mm-hmm. extrêmement facile, et j'essayais comme ça de sortir de mon lit en poussant un petit peu sur le matelas, et puis ça m'étonnait pendant quelques secondes de pas décoller, en fait, et jusqu'à avant que je comprenne que oui, non, ça y est, j'étais rentré et que la gravité allait pas me laisser partir comme ça. Alors il s'est passé beaucoup de choses, hein, sur Terre pendant votre mission. François Hollande, qui vous avait confié l'accord de Paris sur le climat, il a achevé son mandat de président de la République. Aux États-Unis, le climato-sceptique Donald Trump a remplacé Barack Obama. Est-ce que ce sont des sujets que vous avez abordés dans la station spatiale à table avec vos camarades? Ce sont des sujets dont on parlait. Après, on essayait aussi d'éviter les sujets qui peuvent fâcher, parce qu'on a une cohésion d'équipage à maintenir, c'est normal. Mais oui, c'est des choses qu'on évoque. On sait que le monde change assez rapidement, en fait. Moi, c'est ça que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu'on décolle sous Barack Obama et François Hollande, et qu'on se repose sous Donald Trump, et ça aurait pu être aussi autre chose en France, hein. Donc Donc voilà, tout va vite, il faut faire attention. On en a parlé, et puis voilà, on essaie de gérer la situation. On a, je ne sais pas si on peut dire un rôle, mais moi je me dis que c'est l'occasion de parler justement d'environnement, de choses comme ça. Vous en parlez là-haut ? Vous en parlez entre vous ? On en parlait entre nous, oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui, pardon. À table le soir, on parle, c'est un peu comme partout, c'est un peu comme dans toutes les familles, hein, ça arrive de parler de politique, mais on a des gens, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a des gens, enfin c'est pas bizarre, ce qui est normal, au final on a des gens qui sont sélectionnés pour être faciles à vivre et savoir travailler en équipage, donc on sait jusqu'où pousser les discussions, et pour pas non plus que ça se passe mal, disons. Oui. Justement, en parlant de politique, vous avez récemment participé au séminaire gouvernemental, il y a quelques jours, du gouvernement d'Édouard Philippe. On ne peut pas s'empêcher de remarquer aussi que vous avez le même âge que le président Emmanuel Macron. Ça, c'est une des choses qui a changé aussi, c'est que vous avez le même âge que votre président. Est-ce que votre séjour en orbite vous a donné envie de vous engager politiquement ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille ou pas du tout, pas encore ? Quel rôle vous imaginez jouer dans les institutions aujourd'hui ? Non, politiquement, alors moi je fais pas de politique hein, par profession, on va dire. On n'est pas censé s'engager évidemment quand on travaille pour l'Agence spatiale européenne, enfin. Mais en plus, moi, c'est pas tellement mon aspiration personnelle, mais je pense qu'il y a des messages qui sont importants à faire passer. Moi, j'essaie de me servir de mon expérience pour parler d'environnement, parler d'éducation, de coopération internationale, les choses positives. Voilà, donc ce message, j'essaie de le porter à tous les niveaux. Si les gens du gouvernement me demandent mon avis, je leur donnerai avec plaisir et je parle de ces choses-là. Mais non, moi je suis quelqu'un de scientifique, de plutôt technique. Donc moi, on va dire mon domaine de prédilection, c'est plutôt ça. C'est plutôt quelque chose de technique, de scientifique. S'il y avait une autre mission, je la ferais avec beaucoup plus de plaisir que n'importe quel portefeuille gouvernemental, ça c'est certain. D'ailleurs, on ne m'a rien proposé. Très bien. D'accord. Donc, on va parler plutôt du futur immédiat et peut-être un peu plus lointain. Donc, vous venez de nous confirmer, mais ça, je n'en doutais pas, que vous étiez candidat pour le coup, non pas à la présidentielle, mais à un nouveau lancement vers l'espace. Donc, est-ce que vous êtes candidat toujours pour un voyage vers Mars ou la Lune après cette expérience de 6 mois dans la station spatiale ? Oui, moi je suis candidat. Je pense que ça fait partie de ce qu'on attend de nous. Hein. C'est un peu comme être militaire au final, être astronaute. C'est on s'entraîne, on essaye d'être performant. Et puis quand on a besoin de nous pour intervenir, on y va. Pour eux, c'est plutôt en général une mauvaise nouvelle. Quand il faut se déployer en opération extérieure, c'est ce pourquoi ils s'entraînent, mais c'est pas idéal. Pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille quelque part, mais il y a la même idée d'être prêt. Et puis cette idée de voir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais voilà, on est là pour ça, quoi, au final. Donc, tout ça pour dire que, oui, nous, on est tous un peu explorateurs. Moi, j'aimerais bien. L'ISS, c'est formidable parce que, aussi, c'est ce qu'il y a de plus loin. Hein. Donc, s'il y avait quelque chose de plus loin, moi, j'irais en courant. Je sais que je ne serais pas le seul. Aussi, tous mes compagnons vont lever la main en même temps. Je pense qu'il faudra choisir. Mais on y travaille. L'ISS, c'est une étape sur la route de l'exploration. On a des projets pour retourner vers la Lune, à l'ESA. On a Mars en ligne de mire avec la NASA aussi. Donc, j'espère que ça arrivera pendant ma carrière. On verra, mais en tout cas, je me porterai volontaire, c'est sûr. Et si vous aviez à choisir, rêvons un peu, entre Mars et la Lune, vous avez une préférence ? Ah, moi, j'irais sur Mars, ouais, si c'était possible. Parce que c'est là qu'on va vraiment, en termes de retour scientifique, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. La Lune, c'est sans doute une étape nécessaire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais les vraies questions un peu profondes, on va y répondre sur Mars, hein, sur la vie, comment elle apparaît, comment elle disparaît, des choses comme ça. Et c'est là qu'on va en apprendre au final beaucoup sur nous-mêmes et sur peut-être le futur, le passé sans doute, mais surtout aussi beaucoup le futur de la planète Terre. C'est ça qui est intéressant. Si le jour où on va sur Mars, ce sera l'aventure scientifique du 21e siècle, c'est certain. C'est certain. Vous, personnellement, vous le voyez plutôt pour quelque chose qui touchera votre génération d'astronautes, la suivante, enfin les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ou les gens qui naissent aujourd'hui ? Mais moi, je pense qu'on n'est pas si loin que ça techniquement. Quand on regarde, hein, il y a quelques technologies clés comme la propulsion, protection contre les radiations, mais on voit qu'on n'est pas très très loin. Moi, je pense qu'avec si les étoiles s'alignent un peu politiquement, et on en a parlé tout à l'heure, c'est pas forcément le plus facile que tout le monde se mette d'accord au niveau international. Je pense que dans 20 ans, on peut voir des gens sur Mars. Si c'est dans 20 ans, ça peut être ma génération. Moi, je serais un peu expérimenté, on va dire, à l'époque, mais tant mieux, il faudra des gens expérimentés. Il faudra un commandant. Voilà, tout à fait. Ouais, un commandant, oui, ce serait super. on verra. Ben on prend rendez-vous, on verra ce qu'il en est dans 20 ans. Mais si c'est pas moi, c'est pas grave. Ce que ça veut dire, c'est que l'exploration, ça continue, l'aventure est continue, les gens, ça les intéresse. Il y a plein de gens qui ont suivi ma mission. Peut-être que ce sera eux, au final, hein, qui auront posé le pied sur Mars. Et peut-être qu'au final, mon rôle dans tout ça, ça aura été de leur mettre le pied à l'étrier, de leur dire, voilà, c'est possible, regardez, ça fait rêver, allez-y. Et puis, si c'est ça, j'en serais très, très fier. fier. Ce sera forcément d'ailleurs une coopération internationale. Et en parlant de coopération internationale, il y a quelque chose qui a été assez remarqué le jour de votre lancement. Les astronautes de la station spatiale chinoise Tiangong vous ont salué. Et il se trouve dans le prochain numéro de Ciel Espace, le directeur des programmes scientifiques spatiaux en Chine, Wu Ji, se dit très confiant, lui, sur les chances de voir un jour un Européen séjourner sur la station chinoise. Je sais qu'il y a des contacts pris entre l'ESA et la Chine à ce propos. Vous seriez prêt à voler sur Tiangong? Oui, moi je serais prêt à voler. D'ailleurs, on avait commencé, on en a discuté d'ailleurs, on avait commencé à apprendre le chinois, effectivement, avec des collègues ici au Centre des astronautes. On est allé leur rendre visite, ils sont venus nous rendre visite, on essaie d'identifier des coopérations. Alors évidemment, ça va à très petits pas parce qu'il y a un côté politique non négligeable, hein. Mais c'est la logique des choses. Le spatial, ça a toujours commencé comme ça. Maintenant, on voit nos collègues russes et américains, et nous-mêmes, les Canadiens, les Japonais, on travaille tous ensemble main dans la main avec la station spatiale. Ça n'a pas été facile, hein. Ça a pris quelques années, mais ça s'est fait. La logique veut que, enfin, le sens de l'histoire, on va dire, hein, pour utiliser grands mots, veut que ça soit la même chose côté chinois. Donc, il faut défricher. C'est normal, mais ça fait partie du jeu. Donc, nous, on va défricher ça. Et puis, un jour, il y aura un Européen qui décollera avec des Chinois. Et puis, ensuite, ça deviendra quelque chose de normal. Et puis, le jour où on ira sur Mars, je pense qu'on aura non seulement, mais sans doute, Américains, Russes, Européens, Japonais, mais aussi des Chinois, peut-être d'autres nationalités, on l'espère. Ce sera un grand projet international, il faudra que tout le monde mette la main à la pâte. Donc nous, à l'Agence Spatiale Européenne, on a aussi cette vocation à peut-être un peu rassembler les gens et coopérer, c'est dans notre ADN. Donc on doit suivre avec attention vos cours de chinois. Vous avez arrêté là, vous allez reprendre, vous avez un planning? Alors, ou pas encore? Je vais reprendre assez rapidement. Là, j'ai pas tout à fait fini cette mission parce qu'il y a encore beaucoup de débriefing et de séances scientifiques, en fait, pour que les scientifiques récupèrent les données aussi après le vol, surtout pour les expériences de physiologie, médecine, où on sert de cobayes. Donc ça va me prendre encore quelques semaines. Mais ensuite, il va rapidement falloir se remettre au travail. Enfin, je vais se remettre au travail, mais le travail, ça sur un autre pas travail. Vraiment arrêté. Mais voilà, sur d'autres thèmes. Et oui, ça fait partie des choses qu'on attend de nous, qu'on attend de moi. Moi, j'avais fait pas mal d'heures de chinois au début, même si maintenant j'ai beaucoup oublié. Mon chef m'a fait comprendre qu'assez rapidement, il allait falloir reprendre et se remettre à niveau. D'accord. Justement, la mission Proxima durera encore combien de temps? Enfin, la fin de la mission, vous l'imaginez pour dans combien de temps? La fin de la mission, en fait, c'est difficile de mettre une date parce que, par exemple, il y a des expériences scientifiques où on a des prélèvements immédiatement après le retour, donc ça s'appelle J+0, J+7 une semaine après, J+30 un mois après, J+90 3 mois et puis 180. Et puis voilà, donc il y a quelques expériences comme ça. Donc là, pour l'instant, ça occupe encore 100% de mon temps, on va dire jusqu'au début août. Je crois que officiellement c'est jusqu'au 5 août. Et ensuite, ce sera des choses un peu plus ponctuelles. Donc on peut dire vraiment, à travailler 100% sur la mission, c'est jusqu'au 5 août. Ensuite, je vais avoir l'occasion de prendre une ou deux semaines de vacances. Et ensuite, il y aura des choses ponctuelles pendant encore, je pense, un an au moins. Hein. Il y a des expériences qui veulent voir dans quel état je suis dans un an. Mais ce sera plus ponctuel. Donc on va dire vraiment jusqu'au mois d'août. Et ensuite, j'aurai le temps de commencer d'autres choses en parallèle. Vous savez déjà ce que vous allez commencer, justement, parce que entre autant votre quotidien a été entièrement évidemment absorbé par la préparation de la mission et la mission elle-même dans l'espace, autant comment ça se passe pour un astronaute après son retour, voilà, une fois que finalement vous aurez fait vos derniers examens, vous n'êtes pas encore dans la liste d'attente pour un prochain vol, c'est pas encore décidé. Comment ça se gère cet entre-deux? Oui, c'est peut-être pas la chose la plus facile à gérer, effectivement, parce que c'est facile quand on a un but, on est tout entier tendu vers une finalité. Donc au final, c'est beaucoup de boulot, mais c'est facile, en fait. On a clairement des priorités et on sait ce qu'on doit faire. Dans cette période entre deux vols, parfois ça flotte un petit peu plus. Mais c'est assez bien organisé. On a vraiment 6 mois après l'atterrissage. On sait que la priorité, c'est de finir la mission, donc ce soit scientifiquement, mais aussi après, j'aurai le temps peut-être d'en parler un peu, d'aller dans les écoles, d'intervenir, peut-être de faire passer quelques messages, parce que ça fait partie de l'après-mission, hein, c'est prévu comme ça, de dire ce qu'on a fait, d'expliquer pourquoi c'est important, etc. Donc ça va aussi m'occuper un peu, je pense, jusqu'à dans les quelques mois à la rentrée qui suivront. On va avoir plein de projets ensuite, hein. Moi, j'aimerais bien faire un livre avec toutes mes photos, enfin les moins ratées, on va dire, les mettre dans un livre et puis voilà, peut-être donner les bénéfices à une association, ça, ce serait super. Donc, si j'arrive à faire ça, ça me prend un peu de temps aussi, je pense, à la rentrée. Donc, beaucoup de choses comme ça, un peu à droite, à gauche. Peut-être retourner voler aussi. Moi, je suis pilote, hein, donc voler, j'ai toujours ça dans le sang. On a peut-être l'occasion de voler sur le 0G de Novespace, qui m'ont gentiment proposé de faire partie de leur équipe de pilotes. Donc, il va falloir que je me requalifie, ça va m'occuper. Donc, beaucoup de choses comme ça, en fait. C'est servir la cause au sens large des vols habités, de manière peut-être un peu moins directe que quand on est vraiment là-haut en train de faire des expériences, mais de manière aussi très importante. Justement, vous parliez de votre licence de pilote. Je me souviens que pendant votre préparation, vous étiez assez attentif à voler pour la conserver le plus longtemps possible. Là, j'imagine qu'après 6 mois dans l'espace, elle est sans doute Oui. plus valable. Vous voudriez la repasser. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez, par exemple, revoler sur des vols Air France comme vous faisiez pendant votre entraînement? Est-ce qu'on pourra vous croiser sur un Paris-Rome, par exemple, ou pas du tout? Alors, peut-être. Il y a vraiment deux. Alors, il faudrait que je retourne au simulateur, évidemment. J'ai perdu toutes mes qualifications. On ne peut pas se permettre d'aller voler en ligne avec des gens derrière. Tout ça, c'est extrêmement encadré. Évidemment, il y a beaucoup de règles très strictes et Air France fait très attention à ça. Donc, il faudrait que je me requalifie avec des instructeurs, avec des cours au simulateur. Donc, peut-être qu'on fera ça, mais j'aurai pas le temps de tout faire, en fait. Donc, soit je pourrais voler avec Novespace. Soit je pourrais peut-être voler avec Air France et auquel cas, oui, retrouver un peu la ligne, ce qui serait un peu étonnant peut-être parfois pour les gens, mais Captain Pesquet speaking. important pour moi pour rester en bonne condition opérationnelle, en fait. Tout ça, c'est pas juste pour le plaisir, hein, c'est aussi pour maintenir toutes ces compétences, skills, comme disent nos collègues américains, un peu affûtées, dirons-nous. Effectivement, avoir un capitaine Pesquet sur un vol Air France, ce serait amusant. D'ailleurs, il y a évidemment, vous avez bien ressenti la starisation incroyable dont vous avez fait l'objet, puisque je crois me souvenir que quand on a commencé nos discussions il y a presque 3 ans, il y avait à peu près 5 000 personnes qui vous suivaient sur Twitter, par exemple. Là, aujourd'hui, vous êtes à quoi, plus de 600 000, je crois. Il y a un facteur énorme multiplicatif. Est-ce que vous ressentez ça? On dit que Samantha Cristoforetti et Luca Parmitano, ils ont quasiment plus rentrer chez eux. Enfin, c'était un peu des vraies stars en Italie. Bon, vous ne vivez pas en France pour le moment, mais est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que ça vous inquiète, l'attention dont vous faites l'objet maintenant? Non, est-ce que alors je l'ai pas beaucoup beaucoup ressenti parce que je suis pas allé beaucoup en France. Moi, j'étais simplement au Salon du Bourget et puis un petit peu. C'est vrai que parfois les gens me reconnaissent, mais bon, c'est toujours assez positif, hein. Il y a des gens qui disent bah merci, bravo, c'était super. Il y a des gens qui me racontent des histoires de leurs enfants qui s'intéressent maintenant aux sciences, qui se déguisent en astronautes. Il y a des gens qui me racontent que leur grand-mère s'est mise sur les réseaux sociaux pour suivre tous les jours. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Après, c'est pas non plus un but en soi. J'ai pas communiqué là-dessus pour. Enfin, moi, je suis pas acteur de cinéma, donc j'ai pas de disque à vendre, donc de livre à vendre. Donc, c'est vraiment pas une fin en soi. Mais vous pouvez pas y échapper quand même. Non, effectivement, maintenant, c'est un peu tard pour faire machine arrière. On aurait dû y penser avant. Mais voilà, bon, si c'est le prix à payer, bon, parce que c'est pas toujours, en fait, ça complique un peu les choses, évidemment, hein, mais si c'est le prix à payer, bah, pour faire passer tous ces messages, bah, tant mieux, tant mieux. Votre popularité est telle que maintenant, il y a des maires dans certaines villes de France, je pense à Elvin dans le Morbihan, qui veulent rebaptiser une rue à votre nom. Ça vous inspire quoi, ce genre d'initiative? Je sais pas. Alors, je suis très très flatté. Ça me fait plaisir, mais quelque part, je me dis, c'est sans doute un peu tôt. Moi, j'ai 39 ans. Bon, voilà, peut-être je vais refaire une mission et puis complètement casser la station spatiale parce que j'aurais fait une énorme bêtise. Et à ce moment-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner mon nom à une rue? C'est peut-être un peu prématuré. Donc, ouais, je suis très honoré, mais je me dis peut-être c'est un peu tôt. Peut-être il faudrait mieux attendre encore quelques années. Une deuxième mission ou vos premiers pas sur la Lune ou sur Mars ou que sais-je. Ah. Très bien, oui, merci. voilà. Si on fait ça, là, oui, voilà, ça vaudrait le coup. Mais encore une fois, enfin, c'est pas de la fausse modestie, hein. Évidemment, c'est très bien. Et puis moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais pour que la mission marche bien. Mais quelque part, cette mission, c'est pas que ma mission, hein. C'est la mission de l'agence spatiale, c'est la mission de beaucoup de gens en France qui ont travaillé dessus. Donc, ce qu'il faudrait, c'est appeler la rue Proxima. Ça sonne peut-être un peu bizarre, mais ce serait bien. Une rue Proxima, très bien, à Elvin, dans le Morbihan. On y pensera. Merci beaucoup. Merci infiniment, Thomas Pesquet, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Nous continuerons bien sûr à vous suivre dans l'ISS, la station spatiale chinoise Mars, ou bien sur la Lune, nous verrons. Cette émission était réalisée comme d'habitude par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. À bientôt à l'écoute de Ciel et Espace Radio.